Ou avait du vin, ou avait des champs.

combien de temps avant que la pluie tombe, couleur qu'elle fut. Va-t-on entendre l'arbre crier l'ennui au moteur qui en profite des richesses des autres? Tout un monde de rêve, mais le rêve à qui? Le coup du siècle, il s'en vient, on le prépare.

Le poste d'écoute. Your room.